FSI French Revised, Unit 1, Tape 5. Grammar 4. The verb être. Learning drills. Learning drill 1. Il est pressé. Il est pressé. Il sent. Ils sont pressés. Elle est. Elle est pressée. On est. On est pressé. Elles sont. Elles sont pressées. Elle est. Elle est pressée. Il est. Il est pressé. Learning drill 2. Il est à Paris. Il est à Paris. Ils sont. Ils sont à Paris. Elle est. Elle est à Paris. Elles sont. Elles sont à Paris. On est. On est à Paris. Il est. Il est à Paris. Nos amis sont. Nos amis sont à Paris. Janine est. Janine est à Paris. Learning drill 3. Ils sont ici. Ils sont ici. En retard. Ils sont en retard. À Paris. Ils sont à Paris. Au restaurant. Ils sont au restaurant. En vacances. Ils sont en vacances. Au café. Ils sont au café. À Lyon. Ils sont à Lyon. Au café. Ils sont au café. En retard. Ils sont en retard. Ensemble. Ils sont ensemble. Avec eux. Ils sont avec eux. Ici. Ils sont ici. Learning drill 4. Il est fort. Il est fort. Pressé. Il est pressé. Bon. Il est bon. Français. Il est français. Près d'ici. Il est près d'ici. Fort. Il est fort. Learning drill 5. Je suis en retard. Je suis en retard. Avec eux. Je suis avec eux. Anglais. Je suis anglais. En vacances. Je suis en vacances. Heureux. Je suis heureux. Au restaurant. Je suis au restaurant. Au café. Je suis au café. À Paris. Je suis à Paris. À Lyon. Je suis à Lyon. Learning Drill 6. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris. Anglais. Nous sommes anglais. Ici. Nous sommes ici. En retard. Nous sommes en retard. Heureux. Nous sommes heureux. En vacances. Nous sommes en vacances. À Paris. Nous sommes à Paris. Au restaurant. Nous sommes au restaurant. Ensemble. Nous sommes ensemble. Avec eux. Nous sommes avec eux. Learning Drill 7. Vous êtes à Paris. Vous êtes à Paris. En retard. Vous êtes en retard. À Lyon. Vous êtes à Lyon. Au café. Vous êtes au café. Anglais. Vous êtes anglais. Avec eux. Vous êtes avec eux. Ensemble. Vous êtes ensemble. Au restaurant. Vous êtes au restaurant. Learning Drill 8. Vous êtes français. Vous êtes français. Je suis. Je suis français. Ils sont. Ils sont français. Nous sommes. Nous sommes français. On est. On est français. Je suis. Je suis français. Il est. Il est français. Vous êtes. Vous êtes français. Monsieur Durand est. Monsieur Durand est français. Learning Drill 9. Êtes-vous en retard? Êtes-vous en retard? Sont-elles? Sont-elles en retard? Est-elle? Est-elle en retard? Sont-ils? Sont-ils en retard? Est-il? Est-il en retard? Sommes-nous? Sommes-nous en retard? Suis-je? Suis-je en retard? Êtes-vous? Êtes-vous en retard? Practice drills. Practice drill A1. Les enfants sont en retard. Les enfants sont en retard. Je suis en retard. Nous sommes en retard. Janine est en retard. Monsieur Leland est en retard. Monsieur et Madame Leland. Monsieur et Madame Leland sont en retard. Vous êtes en retard. Mademoiselle Courtois est ma sœur. Mademoiselle Courtois et ma sœur sont en retard. Practice drill A2. Ils sont pressés. Nous sommes pressés. Les enfants sont pressés. Mon frère et ma sœur sont pressés. Mon ami est pressé. Janine est pressée. Je suis pressé. Nous sommes pressés. Practice drill A3. Nous sommes en retard. Pressés. Nous sommes pressés. Au café. Nous sommes au café. Français. Nous sommes français. Ici. Nous sommes ici. Ensemble. Nous sommes ensemble. Pressés. Nous sommes pressés. Heureux. Nous sommes heureux. En retard. Nous sommes en retard. Practice drill A4. Ils sont pressés. Ils sont heureux. Ensemble. Ils sont ensemble. Bon. Ils sont bons. Avec eux. Ils sont avec eux. Forts. Ils sont forts. En vacances. Ils sont en vacances. Français. Ils sont français. Anglais. Ils sont anglais. En retard. Ils sont en retard. Pressés. Ils sont pressés. Practice drill A5. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Ils sont. Ils sont en retard. Elle est. Elle est en retard. Ma fille est. Ma fille est en retard. Je suis. Je suis en retard. Ma femme est. Ma femme est en retard. Elles sont. Elles sont en retard. Vous êtes. Vous êtes en retard. Nous sommes. Nous sommes en retard. Practice drill A 6. Tutor. Avez-vous des nouvelles de votre frère? Student. Oui, merci. Il est à Lyon maintenant. Avez-vous des nouvelles de Janine? Oui, merci. Elle est à Lyon maintenant. Avez-vous des nouvelles de vos parents? Oui, merci. Ils sont à Lyon maintenant. Avez-vous des nouvelles de votre sœur? Oui, merci. Elle est à Lyon maintenant. Avez-vous des nouvelles de votre frère? Oui, merci. Il est à Lyon maintenant. Avez-vous des nouvelles de vos sœurs? Oui, merci. Elles sont à Lyon maintenant. Avez-vous des nouvelles de vos frères? Oui, merci. Ils sont à Lyon maintenant. Avez-vous des nouvelles de votre fille? Oui, merci. Elle est à Lyon maintenant. Avez-vous des nouvelles de Mademoiselle Courtois? Oui, merci. Elle est à Lyon maintenant. Practice drill A 7. Tutor. Les enfants sont-ils toujours à Lyon? Student. Non, ils sont à Paris. Êtes-vous toujours à Lyon? Non, je suis à Paris. Janine est-elle toujours à Lyon? Non, elle est à Paris. Vos parents sont-ils toujours avec vous? Non, ils sont à Paris. Votre frère est-il toujours ici? Non, il est à Paris. Vos filles sont-elles toujours à Lyon? Non, elles sont à Paris. Votre amie est-elle toujours à Lyon? Non, elle est à Paris. Vos fils sont-ils toujours à Lyon? Non, ils sont à Paris. Practice drill A 8. Tutor. À quelle heure allez-vous déjeuner? Student. À 1 heure et nous sommes en retard. À quelle heure va-t-elle déjeuner? À 1 heure et elle est en retard. À quelle heure votre ami va-t-il déjeuner? À 1 heure et il est en retard. À quelle heure allez-vous déjeuner? À 1 heure et je suis en retard. À quelle heure Janine va-t-elle déjeuner? À 1 heure et elle est en retard. À quelle heure allons-nous déjeuner? À 1 heure et nous sommes en retard. À quelle heure votre amie va-t-elle déjeuner? À 1 heure et elle est en retard. À quelle heure Monsieur Leland va-t-il déjeuner? À 1 heure et il est en retard. À quelle heure Mademoiselle Courtois va-t-elle déjeuner? À 1 heure et elle est en retard. À quelle heure allez-vous déjeuner? À 1 heure et je suis en retard. Practice drill A 9. Tutor. Êtes-vous pressé? Student. Oui, je suis pressé. Sont-il pressé? Oui, ils sont pressés. Est-il heureux? Oui, il est heureux. Sont-elles ici? Oui, elles sont ici. Est-elle à Paris? Oui, elle est à Paris. Êtes-vous pressé? Oui, je suis pressé. Êtes-vous ensemble? Oui, nous sommes ensemble. Sont-ils heureux? Oui, ils sont heureux. Est-elle au restaurant? Oui, elle est au restaurant. Practice drill A 10. Tutor. Je suis à Paris. Student. Êtes-vous en vacances? Tutor. Oui, je suis en vacances. Ma sœur est à Paris. Est-elle en vacances? Oui, elle est en vacances. Mon frère est à Paris. Est-il en vacances? Oui, il est en vacances. Mon père et ma mère sont à Paris. Sont-ils en vacances? Oui, ils sont en vacances. Janine est à Paris. Est-elle en vacances? Oui, elle est en vacances. Je suis à Paris. Êtes-vous en vacances? Oui, je suis en vacances. Mademoiselle Courtois est à Paris. Est-elle en vacances? Oui, elle est en vacances. Mon fils et ma fille sont à Paris. Sont-ils en vacances? Oui, ils sont en vacances. This is the end of tape 5, unit 1.